38e chapitre. Un magistrat irréprochable. Nous avons donc laissé notre ami Pritchard triomphant par la faute même qu'il avait commise et amnistié de son escapade grâce au rôti qu'il rapportait pour le lendemain. Vous voyez du reste qu'il s'était fait, depuis son passage chez Vatrin, un énorme changement dans son éducation. Autrefois, il emportait le rôti. Aujourd'hui, il le rapportait. Mais il est temps, sans nous éloigner de Pritchard, que nous commencions à nous rapprocher des poules, qui sont un des principaux objets de cet intéressant ouvrage. Outre l'amour de son état, outre sa passion pour la chasse, Charpillon a le fanatisme des poules. Aucune poule, à 10 lieues à la ronde, ne peut être comparée à la plus infime poule de Charpillon. Ceci fut bien prouvé à la dernière exposition d'Auxerre, où les poules de Charpillon ont remporté une première médaille. Ce sont surtout les Brahmas et les cochins chinoises qu'il pratique tout particulièrement. Il va sans dire que notre cher ami n'est point un de ces éleveurs sans entrailles qui absorbent inhumainement leurs produits. Une fois entrée chez Charpillon, une poule jugée digne de son harem emplumé n'a plus à craindre ni la broche ni la casserole. Elle est sûre de vivre au milieu des délices son âge de poule. Charpillon a poussé l'attention jusqu'à faire peindre en vert l'intérieur de son poulailler, afin que toutes renfermées qu'elles sont, ces poules se puissent croire dans un pré. Pendant les premiers jours qui suivirent l'application de cette peinture sur les murs de l'appartement de ces gallinacés, l'illusion fut si grande qu'elles ne voulaient pas rentrer le soir au poulailler, dans la crainte d'y attraper des fraîcheurs. Mais violence leur fut faite, on les y enferma de force, et bientôt, malgré le peu d'éducabilité que contient la tête d'une poule, la plus idiote comprit qu'elle avait le bonheur d'appartenir à un maître qui, savant appréciateur de la maxime d'Horace, avait résolu le problème qui consiste à mêler l'utile à l'agréable. Une fois convaincue, grâce à la couleur verte de leur lambris, qu'elles pondaient dans l'herbe, les poules de Charpillon pondirent avec une plus grande confiance et par conséquent plus abondamment, ce qui, chez les autres poules, est une douleur qu'elles manifestent par un cri que, dans notre ignorance, nous prenons pour un chant, devint pour elles un amusement auquel elles se livraient régulièrement, soir et matin. Aussi, leur réputation aujourd'hui à son comble commence-t-elle à se répandre dans le département. Lorsqu'elle s'aventurait dans l'une ou l'autre des 3 rues de Saint-Brie, si quelqu'un, ignorant de la merveille que renfermait le village bourguignon, s'écriait « Oh, les belles poules !» une voix, mieux informée, répondait à l'instant même « Je crois bien, ce sont les poules de Monsieur Charpillon. » Puis, si la personne à laquelle appartenait cette voix était douée d'un caractère envieux, elle ne manquait pas d'ajouter, avec une intonation grincheuse, « Je le crois bien, des poules à qui l'on ne refuse rien !» Les poules de Charpillon, moins les couronnes obtenues par elle à la dernière exposition, étaient donc arrivées au plus haut degré de popularité auquel des poules, si cochins chinoises qu'elles soient, peuvent raisonnablement atteindre. Mais cette popularité qui ne leur permettait pas de garder l'incognito avait parfois ses inconvénients. Un jour, le garde champêtre vint, d'un air embarrassé, trouver Charpillon. « Monsieur Charpillon, lui dit-il, j'ai surpris vos poules dans une vigne. Mes poules? Vous en êtes sûr, coquelet? Parbleu, avec cela qu'elles ne sont pas reconnaissables, vos poules, les plus belles poules du département de l'Yonne. Eh bien, qu'avez-vous fait? Rien, je suis venu vous prévenir. vous avez eu tort. Comment cela? Oui, il fallait dresser un procès-verbal. Dame, monsieur Charpillon, j'ai pensé que, comme vous êtes adjoint... Raison de plus, comme magistrat, je dois l'exemple. Oh, pour une pauvre petite foie que ces malheureuses bêtes ont grappillée, elles sont doublement dans leur tort. Elles ne manquent de rien ici. Par conséquent, si elles vont dans les vignes, c'est qu'elles ont la protubérance de la maraude. Il ne faut donc pas laisser à leur mauvais instinct le temps de se développer. Un bon procès-verbal, Coquelet, un bon procès-verbal. Cependant, monsieur Charpillon, Coquelet comme adjoint, je vous en donne l'ordre. Mais, monsieur, à qui porterai-je mon procès-verbal? Au maire, parbleu. Vous savez bien que monsieur Guénier est à Paris. Eh bien, vous me la porterez à moi. À vous? Sans doute. Et vous approuverez un procès-verbal dressé contre vos propres poules? Pourquoi pas? Ah, dans ce cas, c'est autre chose. Mais vous savez, monsieur Charpillon... Quoi, Coquelet? Je ne suis pas fort sur la rédaction. Ce n'est pas une chose bien difficile que la rédaction d'un procès-verbal. Il y a procès-verbal et procès-verbal, monsieur Charpillon. Allons donc! Je, sous-signé, garde assermenté, déclare avoir reconnu et saisi l'époux de monsieur Charpillon, notaire et adjoint de la commune de Saint-Brie, picorant dans la vigne de monsieur Untel ou de madame Untel. Voilà tout. C'était dans la vigne de monsieur Raoul. Eh bien, dans la vigne de monsieur Raoul. Et vous signez Coquelet. La signature... Ça va encore, monsieur Charpillon, parce que je m'y suis appliqué. Mais l'écriture... Oui, je comprends. Il y a des zigzags? Oh, s'il n'y avait que cela. Je voyais l'autre jour de la musique imprimée qui en était pleine de zigzags. Qui fait donc vos procès-verbaux? C'est le maître d'école. Allez trouver le maître d'école, alors. Il ne sera pas chez lui aujourd'hui. C'est fait. Alors, allez-y demain. Il n'y sera pas non plus. C'est demi-fête. Coquelet, dit Charpillon, fronçant le sourcil, vous cherchez des prétextes pour ne pas verbaliser contre moi. Dame, monsieur Charpillon, je fais un procès-verbal aujourd'hui contre vous. Ça vous convient à merveille. Mais plus tard, si cela venait à vous déplaire, je ne voudrais pas me brouiller avec mon adjoint. « Eh bien, Coquelet, dit Charpillon, je vais mettre votre responsabilité à couvert. » Et prenant dans le tiroir de son bureau une feuille de papier de 7 sous, Charpillon rédigea un procès-verbal dans toutes les formes que n'eut plus qu'à signer le père Coquelet. En se voyant en quelque sorte couvert par l'écriture de son adjoint, le père Coquelet n'hésita plus et signa. Ce procès-verbal conduisit, 15 jours après, Charpillon devant le tribunal d'Auxerre. Charpillon s'y défendit, ou plutôt s'y accusa lui-même. Il avoua le délit, se rendit solidaire de ses poules et repoussa les circonstances atténuantes que faisait valoir le procureur de la République. Charpillon fut condamné au maximum de la peine, c'est-à-dire 15 francs d'amende et les frais. Mais un grand exemple fut donné à la commune de Saint-Brie et aux communes environnantes. Et quel est le grand exemple qui ne vaille pas 15 francs? Les poules de Charpillon avaient cependant une excuse à faire valoir. La nourriture incrassante qu'elles recevaient de la main de leur maître, en les faisant passer peu à peu à l'état de poularde, nuisait à la régularité de leur pendaison. Ce que le procès-verbal avait traité de gourmandise était tout simplement, pour les pauvres bêtes, une mesure d'hygiène inspirée par la nature, comme celle qui fait manger aux chiens certaines herbes laxatives. Un de nos amis, médecin et excellent médecin, le docteur Drouin ne dédaigna pas de donner au moderne Aristide cette explication tout en faveur de l'espèce brahmaïque et cochin chinoise. En effet, la pendaison se ralentissait visiblement. Charpillon cueillit du raisin dans les vignes et rétablit l'équilibre un instant dérangé. La régularité de la pendaison non seulement reprit son cours pendant les vendanges, mais encore grâce à des feuilles de laitue et de chicorée substituées aux raisins absents, se continua dans les mois où, d'ordinaire, cette pendaison languit ou même cesse tout à fait. Charpillon, en m'invitant à la chasse et sachant ma prédilection pour les œufs frais, n'avait pas craint de m'écrire « Venez, cher ami, et vous mangerez des œufs comme jamais vous n'en avez mangé. » J'étais, en conséquence, allé à Saint-Brie, non seulement dans l'espoir de voir un ami que j'aime comme un frère, non seulement dans l'espoir de tuer force lièvres et force perdrix sur les terres de Guénier et de M. Raoul, mais encore dans celui de manger des œufs comme jamais je n'en avais mangé. Le jour de mon arrivée, je dois le dire, le succès avait dépassé l'espérance de Charpillon lui-même. On m'avait servi, à mon déjeuner, des œufs couleur Nankin dont j'avais, avec la délicatesse d'un véritable gourmet, apprécié les qualités supérieures. Mais les jours se suivent et ne se ressemblent pas.